sagt, an allem, was man sagt, ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal es kommt nicht darauf an. Thank you. tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je viens en coup, faut qu'il me sauve. Faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Faut que je sois plus déprimé. Faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Une action miraculeuse. Pas même pas physique. Mais une action miraculeuse. Faut qu'elle me sorte de moi. Ça, c'est pas possible. Personne peut se sortir de toi. Personne peut se sortir de toi. Si je vivais en couple, j'attendrais tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je vis en couple, faut qu'il me sauve. Faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Faut que je sois plus déprimé. Faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Faut qu'elle soit miraculeuse. Je parle même pas physiquement, mais faut qu'elle soit miraculeuse. Faut qu'elle me sorte de moi. Ça, c'est pas possible. Personne peut se sortir de toi. We'll be right back. you, what's the delay inside? Cause I just can't envision it. You pretend people can see who you are, claim to be inside, but you just can't envision it. All my friends say he's a fool and promise that you're cool inside, but you just can't envision it. Maybe one day you'll be brave and trust your life and say to them, you just can't envision it. Yeah. on your own, and they live alone, yeah. And I'm for a while, disconnect. Thank you. Thank you.